Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1 et après avoir vu le rôle possible des neurones miroirs dans le partage des émotions, on va voir que l'alimentation aussi influence nos émotions. On peut d'ailleurs penser à l'expression « manger ses émotions », c'est-à-dire manger en réponse à des émotions comme la tristesse ou la solitude. Pourtant, se nourrir peut aussi faire vivre des émotions particulières. C'est la réflexion que nous propose Karine Gravel, qui est nutritionniste et docteur en nutrition à l'entreprise Papilla. Bonjour Karine. Bonjour François. Alors, concernant la nourriture et les émotions, résultats d'études ont montré que le fait de manger certains aliments pouvait diminuer les sensations perçues de faiblesse, de déprime, de perte de contrôle et de détresse, en plus de diminuer le stress. Donc, sans s'attarder sur le fait que ce soit préférable ou non de vivre ces émotions-là sur les comportements alimentaires, on sait que les émotions jouent un rôle sur notre alimentation. Et si on considère maintenant l'influence de l'alimentation sur les émotions, donc au-delà de la sensation physiologique de combler sa faim, manger peut aussi augmenter la sensation de bien-être ressentie de façon générale. Donc, la nourriture aurait aussi le pouvoir de faire ressentir des émotions positives à partir d'associations qu'on fait de situations ou de contextes particuliers. Bon, par exemple, pour être un petit peu plus concrète, ouvrir une bouteille de champagne indique probablement qu'on célèbre un succès ou une bonne nouvelle. Alors que le fait de manger de la crème glacée, beaucoup de crème glacée, peut signifier une consolation après une mauvaise nouvelle, par exemple. Mais Karine, plus concrètement, comment les émotions peuvent influencer ce que l'on mange? Vivre des émotions peut influencer le moment où on mange, la quantité d'aliments, puis aussi le choix des aliments. Par exemple, en situation de stress, on peut être porté à manger davantage, alors que lorsqu'on se sent plutôt déprimé, on pourra avoir tendance à choisir des aliments qu'on perçoit réconfortants. Donc ça, souvent, ce sont des aliments qui sont sucrés. Okay. Donc, dans ces exemples-là que j'ai nommés, ce sont les émotions qui influencent l'alimentation. Quand on parle d'aliments sucrés, dans ce cas-ci, est-ce qu'on parle des sucres comme dans le chocolat ou plus que les sucres à longue chaîne, comme dans les pâtes, par exemple? Aliments qui, au goût sucré. Au là. Goût sucré, oui, OK. Et est-ce que l'inverse est vrai aussi? C'est-à-dire, est-ce que les aliments peuvent aussi nous faire vivre des émotions particulières? Oui, bien sûr. Le fait de manger certains aliments pourrait atténuer des états psychologiques qui sont négatifs. Par exemple, les résultats d'une étude ont montré qu'une alimentation qui est riche en glucides, donc là, on prend toute la famille des glucides, pas seulement ce qui goûte sucré. Ouais. Donc, par exemple, le pain, les céréales. Les pâtes. Oui, exactement. Et aussi, une alimentation qui est plus faible en protéines, là, qu'on retrouve, par exemple, dans la viande ou les poissons. Dans cette étude-là, ça pouvait diminuer les sensations de perte de contrôle ou d'impuissance, de même que de détresse. Et le mécanisme impliqué, c'est que ça augmenterait le niveau de sérotonine dans l'organisme. Ah, OK. Donc, la sérotonine, c'est une hormone qui agit sur le système nerveux central et qui a un effet qui est calmant. D'autres aliments peuvent aussi faire vivre certaines émotions, comme les aliments sucrés qui auraient un effet sur la diminution du stress. Et même, ça c'est intéressant, même un effet sur la sensibilité à la douleur. OK, donc manger sucré changerait la sensibilité à la douleur. Comme un analgésique, est-ce qu'on connaît le mécanisme? Bien, en fait, il semble y avoir un lien à faire avec les opioïdes. Donc, les opioïdes, ce sont des substances qui sont surtout logées dans les systèmes nerveux central et parasympathique et qui soulagent la douleur, comme le fait la morphine là, de façon artificielle. Donc, de la même façon, les opioïdes seraient impliqués dans l'effet analgésique du sucre. Alors, notre alimentation varie selon nos émotions. Est-ce que le fait de manger seul ou avec d'autres personnes peut aussi avoir une influence sur notre alimentation? Oui, de façon générale, les personnes ont tendance à manger davantage lorsqu'elles sont accompagnées par des membres de leur famille ou par des amis qui sont proches, donc des gens qu'on connaît très bien. À l'inverse, la prise alimentaire a tendance à être un peu plus faible lorsque le repas se déroule avec, par exemple, des collègues de travail ou des camarades de classe. Des gens qu'on connaît, mais peut-être un petit peu moins c'est que les membres de notre famille. Oui, donc, autrement dit, plus le niveau d'intimité est grand, plus la prise alimentaire est importante. Et l'inverse est aussi vrai. Plus l'intimité est faible, plus la prise alimentaire aura tendance à être faible elle aussi. Mais peut-être que ça dépend des relations sociales qu'on a avec notre famille ou avec nos amis, ça? On peut, par exemple, offrir de la nourriture ou montrer de l'affection à quelqu'un qu'on apprécie ou encore faire preuve d'hospitalité envers des invités. C'est un peu comme les liens entre l'alimentation et les émotions qui sont à double sens. Donc, les comportements alimentaires influencent aussi nos relations sociales. Par exemple, lorsque deux personnes partagent un repas, elles vont percevoir leur intimité comme étant plus importante comparativement à un contexte où il n'y aurait pas de nourriture ou pas de repas. Et le partage de nourriture serait comme un indicateur non verbal de l'amitié puis de la proximité entre les personnes. Et puis là, il y a une autre, dans le même sens que ces résultats-là, il y a une autre étude qui m'a fait bien sourire. Donc, dans la méthodologie de cette deuxième étude, les personnes devaient imaginer leur partenaire de vie au même endroit qu'un prétendant potentiel. Ensuite, les personnes qui ont imaginé leur partenaire de vie et le prétendant en train de partager un repas ressentaient davantage de jalousie si ils les imaginaient en train de partager un repas comparativement à s'ils les imaginaient dans une interaction face à face avec le prétendant, mais sans repas. Ah bon? Comme si le repas accentuait la sensation de jalousie. Ouais, le sentiment de jalousie, c'est ça. C'est très intéressant. Plus tôt dans l'émission, on parlait d'empathie avec Jean-Daniel, de partage des émotions. Est-ce que le fait de partager un repas avec quelqu'un est propice au partage des émotions? Est-ce que ça incline vers ça? Bien, justement, l'empathie, c'est l'habileté à percevoir puis à identifier les sentiments ou les émotions d'une autre personne. Donc, le fait d'offrir de la nourriture à quelqu'un, ça peut être interprété comme une réponse empathique à l'égard de l'état émotionnel de l'autre personne. Et là, je vais vous donner un exemple concret qui était cité dans une étude. Par exemple, on peut être témoin de la déception d'un ami qui n'a pas eu la promotion qu'il espérait à son travail. Son état de déception peut déclencher une réponse empathique de notre part et on peut être, parce que nous non plus on se sent pas bien, donc on peut être tenté de lui offrir quelque chose à manger et dans l'exemple de l'étude, c'était des biscuits. Donc, en conséquence, notre ami peut voir ses émotions négatives diminuer et ses émotions positives augmenter en raison des effets physiologiques et des associations positives passées en lien avec les biscuits. Donc, ces associations positives-là pourraient être, par exemple, la bonne odeur dont on se rappelle des biscuits ou le fait d'en avoir mangé lors des repas familiaux lorsqu'on était enfant. Donc, le fait de voir l'état de déception de notre ami diminuer aurait pour nous aussi un effet de réconfort. Donc, c'est pas seulement la personne qui reçoit la nourriture qui se sent bien ou mieux, mais c'est aussi la personne qui l'offre. Ben voilà. Tout ça, c'est sûr que tout ça demeure relativement théorique, mais c'est certain que la nourriture a un rôle à jouer avec les émotions. Donc, parfois, c'est pour atténuer certaines émotions négatives ou encore, c'est pour accroître certaines émotions positives. En plus de favoriser les relations sociales et la proximité entre les personnes. Donc, les interactions sociales ont des effets qui sont documentés sur notre alimentation. J'ai nommé quelques exemples aujourd'hui, puis pourtant, c'est un des aspects des comportements alimentaires qui n'a pas reçu beaucoup d'attention de la part de la communauté scientifique. Donc, de façon générale, l'étude des aspects sociaux de l'alimentation, elle est un petit peu négligée. Pourtant, les préférences et les comportements alimentaires se développent tôt durant l'enfance et durant toute notre vie, il y a beaucoup d'interactions sociales qui ont lieu lors des repas partagés avec d'autres personnes. Et même lorsqu'un repas est mangé seul, il peut aussi faire vivre des émotions à travers les associations et les souvenirs. Donc, pour terminer, Karine, l'association entre les émotions et l'alimentation n'est pas nécessairement négative. Ben non, pas nécessairement. On revient encore au fait à l'expression manger ses émotions. Donc, évidemment, on a intérêt à porter attention à ses émotions de façon générale lorsqu'on mange, puis aussi à vivre ses émotions sans nécessairement utiliser la nourriture. Mais en même temps, c'est humain de vivre des émotions. Donc, il faut savoir trouver un équilibre dans tout ça. Oui, il faut savoir, comme le chantait si bien Aznavour. Ah, ben oui. Alors, merci Karine. Et pour merci. En savoir davantage sur la nutrition, on peut visiter le site web de Papilla au papilla.ca. Voilà, merci. Merci.